En fait, je suis d'une famille d'artistes amateurs, entre un père accordéoniste, deux talents, une mère habitée par la danse, un oncle harmoniciste, et des soirées où toute la famille dansait jusqu'à l'aube. Et moi, j'étais au milieu, une petite fille, à prendre un petit peu toute la dimension de la mélodie. Et c'est comme ça qu'est née la passion à la fois du chant et de la danse, d'ailleurs, puisque ce sont mes deux passions. Tu t'es développé un peu dans un monde artistique. Voilà, sur le tard, mais ouais. Tout à fait. Et ça t'est. Tu as développé ce sens en toi, en grandissant? Alors j'ai toujours adoré chanter, mais je pouvais pas faire en fait. J'avais pas trop l'occasion de mettre à profit ma passion du chant. Et puis en fait, après avoir eu une vie de famille de femme un peu classique, faire un enfant, que j'embrasse très fort d'ailleurs, Angela, si tu m'entends, je t'embrasse. J'ai donc fait un enfant et puis après, entre le travail et tout le reste, j'avais pas trop le temps. Et l'an dernier, la quarantaine m'a inspirée. Je me suis dit quand même, il faut que je fasse quelque chose et que je fasse en fait partager la passion du chant aux gens parce que c'est vraiment une véritable passion qui m'habite et j'avais envie vraiment de donner. Ouais. Donc c'est là que j'ai pris des cours de chant en fait. Donc il y a quelques années, Il y a un an, il y a un an, ouais, à peu près. Ouais. tu as pris des cours de chant avec qui? Alors en fait, c'est là que tout a commencé, avec Gilles Perruche à Univers Studio sur Muret, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis muretaine d'adoption depuis à peu près 8 ans. En fait, je viens de la région Eh parisienne. bien, d'ailleurs, nous saluons Philippe Monetti, le photographe muretin qui était venu parmi nous il y a quelque Tout à temps. fait, ouais, que je connais, qui est fort sympathique d'ailleurs, sur Muret. Ouais. Donc ce professeur, tu l'as trouvé comment? Alors en fait, ma fille fait prend des cours de danse. Et la prof de danse de ma fille, sa fille fait des cours de chant chez ce prof. Et je cherchais désespérément un prof de chant. Et elle m'a indiqué donc les coordonnées de Gilles Perruche d'Univers Studio à Muret. Et donc j'ai commencé il y a un an. Je prends des cours 2 heures par mois en fait. Et voilà, bah c'est super. Il fait de la recherche artistique en fait. Combien d'heures par mois, tu 2 heures. dis? Pas beaucoup parce que je travaille. Je travaille dans une Et t'as grande réussi à entreprise. atteindre ce niveau avec 2 heures par mois, Ben, mon prof en m'a un dit an? rapidement que j'étais habitée par le chant. Donc très très rapidement, il m'a dit que j'avais la chance d'être comme Obélix, mais pas dans la T'es tombé potion dedans. magique, Vachement sympa, ça. voilà, et dans le chant. Je ne ressemble pas à Obélix, je Non, non. promets. Oh, non. Non, non, ça c'est sûr. Donc. Il m'a dit, ouais, donc j'étais tombée dedans toute petite, ce qui était vrai. En fait, on s'est compris parce que c'est quelqu'un de très, très humain, très sympa, très respectueux, et qui prend chacun de ses élèves, je crois 25 ou 30 à peu près, et il nous prend chacun comme on est, mais vraiment, véritablement, quoi. Il ne veut pas faire de nous ce qu'on n'est pas, en fait. Et il essaie de rendre artistique ce qu'on a en nous, voilà. Donc c'est super. Donc ce prof d'ailleurs, on a fait des petites choses ensemble. Je monte une fois par an sur scène avec lui. Où ça? À Muret, à la salle des fêtes de Muret, en général, il fait un spectacle par an qui est un petit gala de chant où il fait venir sur scène tous ses élèves et on chante chacun une chanson. Ça permet déjà de monter sur scène, ce qui est quand même un volet Ouais, particulier, ouais. Et puis de se connaître en fait des élèves d'ailleurs aussi. Il vous c'est sympa accompagne ça. avec un instrument? Non, Non? non, par contre Gilles chante aussi. C'est Joe Cocker à la française et il ressemble comme 2 gouttes d'eau au niveau de la voix. Et vraiment, ouais, il chante super bien et il chante aussi en général, ouais, au gala. Et il compose peut-être. Il compose, et ouais. Alors dans notre petite aventure avec Gilles qui date d'il y a un an, qui a commencé il y a un an et qui va être très longue, je crois qu'on va rester longtemps, que je vais rester longtemps une de ses élèves. Il y a un an, donc à peu près, oui, 6 mois après avoir débuté les cours avec Gilles, il m'a proposé de mettre en voix une chanson qu'il avait composée, des paroles donc, et il avait composé paroles et musique, et il n'avait pas encore trouvé l'artiste peut-être avec qui il avait envie de la mettre en voix. Et un peu ma maturité vocale, on va dire, lui a plu et il m'a proposé de le faire. Donc moi, j'avais jamais évidemment chanté une chanson inédite. Ça m'a intéressée dans le sens on va dire, de l'aventure. Voilà, j'ai trouvé qu'on partait en aventure. Ça fait plaisir de se faire proposer ça quand même. Ouais, un morceau comme ça que je m'étais chanté, s'il le propose, c'est qu'il a confiance, que ça lui plaît. Donc... Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Au début, je me suis dit, mince, je ne vais pas être à la hauteur. Et puis en fait, il s'est passé un truc magique. Quand il m'a fait écouter, quand il m'a fait lire d'abord les paroles, j'ai adoré. J'ai eu un flash total sur ce qu'il mettait. Après, il m'a fait écouter la musique, j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis on a essayé un truc extraordinaire. On s'est vu deux fois en studio et on l'a mise dans la boîte. Et c'était bon, au bout de deux fois, quoi, un truc incroyable. Ah bah ça. Voilà. Et il s'appelle comment ce morceau ? Ce morceau s'appelle « Je voudrais simplement », donc de Gilles Perruche. Eh bien, on pourrait l'écouter peut-être. Oui, écoutons-le. Nous allons l'écouter. C'est parti, un petit blanc, comme dit Michel. Je voudrais simplement avoir le sentiment que mes rêves d'enfant soient les mêmes. Soleil briller, le monde s'aimer. On a le droit de penser qu'on pourrait. Je voudrais simplement que l'on oublie l'argent et penser autrement que la vie est. Que l'on n'est qu'une seconde et que l'éternité est bien trop longue. Je voudrais simplement sur une dédice. Nicole, nous t'entendions chanter sur cette piste. C'était c'est une chanson composée et écrite par ton prof de chant. Ouais, Gilles Perruche. Ouais. Gilles Perruche. Que je remercie d'ailleurs, je profite d'être à l'antenne pour le remercier aussi de m'avoir fait confiance, de me l'avoir proposé cette chanson et j'espère qu'elle aura plu aux auditeurs. Et... Bon, en tout cas, elle a plu à l'assistance ici, donc ouais. Je ne sais pas pourquoi elle ne plairait pas aux auditeurs. Donc il n'y a pas que le chant. On est pour nous, on a un auditoire de qualité. Oui. Oui, déjà. C'est vrai. Le chant pour toi est une passion. Tu en as d'autres. Tu nous as parlé de la. Voilà, la de danse. De la danse. Oui, oui, voilà. Donc, je voulais juste, effectivement, comment on parlait un petit peu de mes passions. Donc, la deuxième, c'est la danse. Et je prends des cours de danse de salon, rock, cha-cha, passo, valse et tout ça. Muret, aussi, avec Laurent Françon. J'interromps pour dire aux auditeurs que sur Internet, il y a l'émission sur les deux danseurs, Tony et Lola, qui est en ligne. Donc ils peuvent y aller en composant l'adresse indiesis.com, www.indiesis.com. Voilà. Excuse-moi, tu peux continuer. Voilà, donc, et puis surtout, je prends des cours de salsa aussi, et ça, ça m'éclate totalement, parce que la danse de salon, c'est plus fermé, mais la salsa, on peut exploser, et c'est super. Et c'est vrai que de marier le chant et la danse, je trouve qu'il y a tout ce qui est rythmique et mélodieux qui est là, voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, mais voilà, donc encore une activité sur Muret que je fais. Ça voilà. Passe des choses à Muret. Oui, ouais, oui. Y a plein de choses. En fait, il y a une société à Muret. On découvre voilà. Qu'il se passe, voilà, ouais. Qu'il y a une vie à Muret, en dehors de l'Odéon, je parle. Ouais, en dehors voilà. Du CFA, alors, on du chemin de la pyramide. Pour mettre en pratique. Oh, ah, ouais. On aurait pu se croiser. Ah, bah, nous, on était un jeudi, on est tombé le mauvais jour. On n'y est pas retourné. Ouais, voilà, mais je comprends. Ouais. Non, faut y aller le vendredi. Je vous invite à venir le vendredi. Ah bah, on s'y retrouvera sur les rocks endiablés et les salsas envoûtantes. Oh, c'est une proposition. Par contre, prenez une boisson non alcoolisée parce que la bière est à 7 euros. Ah ouais, mais oui. Je crois que... Ah oui. Ce qui nous a fait très drôle. Ouais, c'est vrai. Elle est terriblement chère. Ouais, on est là pour danser, c'est vrai qu'on boit de l'eau ou du diabolomante ou des trucs comme ça, c'est vrai. Qui est quand même 4 euros, je pense, 4,50 euros, je sais plus. Normalement, quand on paye... oui, c'est vrai que la première, en fait, la première boisson, on l'a avec le ticket. Non, mais et c'est... après, ce qui me fait rire, c'est pas que... une pub pour voilà. L'Odéon, non plus. J'étais en train de me dire, on parle des tarifs de l'Odéon, alors qu'on s'en fout réellement. Ça, voilà. Non, mais excusez-moi d'avoir enchaîné le truc. Donc, sur Muret, il y a aussi, je fais des... ce que je fais aussi à Muret, là, en ce moment, avec l'école de danse de ma fille. Il y a une école de danse donc, qui s'appelle Haut de Forme. C'est la danse cabaret. Tu entraînes ta fille dedans? Ouais, elle aussi, alors ma fille fait de la danse et du chant, pareil avec le Gilles Perruche. Hein. Ma fille, il y a une sorte de mimétisme. C'est vraiment une famille, ça. Ouais, voilà. Donc... C'est elle qui a voulu ou c'est toi qui lui as dit? C'est vas-y. Elle, non, ouais, non, moi je lui impose rien, c'est ce qu'elle veut. Ouais, ouais. Mais elle a quel âge? Elle a 9 ans et demi. Ah, elle est petite, elle commence jeune, c'est ouais, bien. Mais ça. Elle adore chanter, ouais. Donc, ouais, non, elle a voulu absolument prendre des cours aussi avec Gilles. Donc, elle fait de la danse et la prof de danse de ma fille, d'Angela, m'a proposé, en fait, de chanter lors de galas de danse. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, enfin, de scolaire, jusqu'au mois de juin, je vais faire plein de petits spectacles où les danseuses dansent, évidemment. Et moi, je chante avec quelques autres chanteuses et des duos et des solos. Au cours de spectacle de danse. Voilà, donc ça va se passer sur Muret, pareil, jusqu'au mois de juin. Et il y a un nom, c'est un nom le spectacle déjà? Alors, les spectacles, non, enfin, c'est ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est l'association Haut de Forme, comme le beau chapeau. Non, alors Haut de Forme, je les salue parce que je sais qu'ils écoutent ce soir l'émission, parce qu'en fait, je chante avec leur fille à ce couple qui a monté donc cette association. Je chante avec leur fille qui a 16 ans, qui s'appelle Prissy, que j'embrasse aussi. Et qui chante très très bien, elle a une voix très mélodieuse, elle prend des cours aussi avec Gilles Perruche. Voilà, alors on se fait des duos très sympas toutes les deux, on délire bien. Et en fait c'est une famille de talentueuses, alors là du grand-père à la dernière fille, enfin c'est hallucinant, ils chantent tous, ils dansent tous, la danse est super. Enfin, je vous invite à venir voir leur spectacle, parce que vraiment c'est cabaret, il y a des jolies filles avec des plumes et des boas. Et, mais nous irons. Et des paillettes, ouais. Et nous retranscrirons ces informations sur le site internet de l'association émission de radio. Ouais. Charles va répéter l'adresse. Nous savons où trouver des jolies filles avec des plumes. Voilà. Alors si tu me coupes pendant que je fais l'adresse, hein, franchement pour dire des plumes, et voilà. Hein, c'est... Alors l'adresse indiesis.com, indiesis.com. Et allez-y, ça nous permet de connaître nos auditeurs un petit peu, savoir d'où ils proviennent et combien ils sont. Et puis ça nous fait des bonnes statistiques aussi, donc c'est pas désagréable. C'est ce que je disais. Savoir si les auditeurs aiment les filles avec des plumes. Allez, Charles, j'avais une question. T'es accroché au fil à plumes, t'as ma parole. Oui, au fil à plumes. Sans plumes. Bon, on va transiter, on va faire une transition. Oui, transitionner, non. Voilà, pas non, du c'est tout. Pas ça. Un morceau, une transition. Je pense qu'on va mettre un petit morceau pour calmer les esprits, parce qu'après c'est l'histoire de plume. Et pour encore avoir le plaisir d'écouter Nicole. Mais oui, oui, bah oui. Mais bien entendu. Oui, pardon. Ah, pardon. Oui, m'excusez, j'ai la régie qui me parle dans le casque. Et bien voilà. Donc nous allons écouter Je suis. Je suis. Je suis ruisseau, fleuve, rivière. Je suis le vent et la pluie. Je suis l'ombre, la lumière. Je suis la vie. Je suis l'ouragan sur la dune. Je suis une symphonie. Je suis Nicole, tu nous as parlé de certaines activités, comment dire, saines, mm-hmm. préparées. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre ? Oui, alors cette année, j'ai pas mal de petits projets. Je participe à un regroupement de choristes avec l'association musicale, je pense que certains connaissent, qui s'appelle AIDA. C'est de la musique classique et on va faire un... On est à peu près 400 choristes en gros, on devrait être 400 choristes. C'est un opéra de Verdi. Ouais, on va chanter Verdi et Elgar, un compositeur anglais. Oui, magnifique. Voilà. La capricieuse. Ouais, de ouais. Ce compositeur Elgar, magnifique. Ouais. Elle passe le dimanche matin sur France Culture, c'est le générique de l'émission qui s'appelle je ne sais plus comment. Ah d'accord. Ouais, c'est France Culture non, France Musique. C'est intéressant. Ce que c'est vrai. L'émission s'appelle vraiment je ne sais plus comment. Allez. Et donc ça se passe, on fait une répétition par mois là à Logrin, et en fait on est encadré par un super chef de chant, enfin chef de chœur, et on va fêter la fête de la musique ben, le 21 juin bien sûr. Au stade Ernest Vallon à Toulouse, ça sera ouvert bien sûr à tout public. Ça, on promeut en même temps l'association AIDA, évidemment, qui fêtera ses 20 ans à cette occasion. Et ça va être vraiment une grande, grande soirée. Voilà, et je fais partie de ce chœur de musique classique, c'est super. Ça m'intéresse de varier les registres, en fait. J'aime pas me mettre que dans un registre, j'aime bien aller voir un peu tout. Et en plus, enregistrer à la Hallograin, c'est, pardon, répéter à la Hallograin, c'est super, quoi. C'est une salle fabuleuse, voilà. Alors quoi d'autre ? Ben, il y a Jean-Philippe qui vient d'arriver là. Il n'est pas très bavard. Mais il veut jouer, il veut jouer de la musique. Bon. Donc il va t'accompagner, tu vas l'accompagner à. D'accord, on va se faire à la guitare. D'accord. Ah, Jean-Philippe, le guitariste. Le guitariste. Ah oui, je me demandais qui était Jean-Philippe. D'accord, on va se faire un petit morceau de Starmania. Starmania. Les uns contre les autres. Les uns contre les autres, voilà, bien. En direct. Et... Bon, bonsoir Jean-Philippe. Ah, il veut vraiment pas parler. Hein. Bonsoir. Oui, d'accord. Alors, je m'installe. Hop. Allez, installez-vous. Je suis trop con. Oui. Ah, Jean-Philippe saisit sa guitare, s'assied. Par Jean-Philippe, cherche un médiateur. Gérald, pourrais-tu baisser le micro de Jean-Philippe ? Je vais le faire avec joie. Merci, Gérald. Je m'en occupe comme ça ? Ben, ça me paraît bien. Ouais, c'est bon. Ne sois pas si discret, Gérald, voyons. Moi, je me banille les micros. Merde, c'était Jean-Philippe. Ah, petit couinement. On est prêts ? Vous êtes prêts ? Eh bien, Jean-Philippe, musique. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Danse les uns contre les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Oui, oui, oui. Bravo. Alors là, Jean-Philippe, chapeau. Oh, mais Jean-Philippe est déjà reparti. Oh, il court vachement vite, Jean-Philippe. Oui, il court. Alors c'est vrai qu'avec Jean-Philippe, on ne se connaissait pas et on a très peu répété, parce qu'on a beaucoup rigolé d'abord. Oui, ça oui. Voilà, répétition. Et voilà, alors c'est sympa. C'est... Voilà, dans le deuxième couplet, il faut quand même dire... problème d'accord. Ouais. Il faut quand même dire que personne ne connaissait Jean-Philippe et non, jusqu'à ce soir. Et on le connaîtra pas plus apparemment. Non, j'ai l'impression. C'est un homme éphémère. Il a une grande carrière, ce Jean-Philippe. Écoute, il faut savoir vivre l'instant présent, les choses éphémères sont ce qu'elles sont et elles sont importantes, ça fait les subtilités de la vie qui rendent heureux. Ouais. Mais dis donc, tu le connais bien Jean-Philippe. Et avant qu'il parte, Jean-Philippe, il m'a dit que peut-être il me proposerait des choses, on va peut-être travailler un petit peu ensemble. Ouh, comme ça. Ouais, super, ça m'intéresse. Il faut se méfier de Jean-Philippe, ça dit. Et il y a un auteur à côté aussi qui... Ah oui, il y a du monde dans le studio, mais personne ne dit jamais rien. C'est cool. Bonsoir. Philippe, viens nous parler de ta prochaine sortie. Bah, dis bonjour au moins, je sais pas, radio, dis bonjour dans le micro. T'es un média, viens en profiter. Pour alors, une fois, quelqu'un t'écoute. Donne-moi le titre de ta prochaine sortie. Parution, j'en sais rien encore. Ça s'appelle J'en sais rien encore. L'étoile. Nous vous conseillons, oui, de lire l'étoile de Joachim Hock. Vous pouvez les commander sur filaplomb.fr, filaplomb.fr. Merci. Nicole. Alors, j'ai pas tout dit sur ce que j'ai fait cette année. En un an, je suis très contente parce qu'en fait, il se passe plein de petites choses super. Donc, même si je me suis réveillée tard, je suis bien réveillée là. Je le dis à tout le monde. Je suis bien réveillée. Alors, je fais partie de deux associations sur un peu Muret. Enfin, là, c'est Frouzin et Toulouse. De soutien aux enfants malades et handicapés. C'est vrai que c'est une cause qui me touche un petit peu. Voilà. Et donc, au sein de ces associations, il y en a une qui s'appelle Bousquerolle et une autre pour le sourire de Pierre. Pareil, je vous donnerai les coordonnées. Mmh. Et si des gens sont intéressés. Et ils font plein de petits événements. Et cette année, on fait une fête, alors je crois que c'est avec le sourire de Pierre, le 5 avril, dans un cabaret toulousain. Quelqu'un nous prête un cabaret, ce qui est très sympa. Et on va faire. S'appelle Alors, je n'ai pas le nom du cabaret, comme ça, je vous donnerai tout sur le site. C'est vrai que j'ai pas pris toutes les infos. Et le 5 avril, donc je vais monter sur scène. Voilà, moi, je participe avec mes petits moyens, mais ma façon à moi de participer, c'est de monter sur scène, de faire un peu rêver les gens, en tout cas j'espère. Et alors je mets des paillettes comme ça fait bien rêver. Et des plumes. Les fameuses plumes, ouais. Voilà, et donc pour faire rêver un peu et apporter mon soutien, donc le 5 avril dans un cabaret toulousain, voilà, on se fait une petite soirée. Et après il y aura au mois de novembre avec l'association Bousquerolle aussi, on fait une fête. Et j'aime bien participer, chanter 3-4 chansons, voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur ma passion du chant. Merci. Ouais, à la seule chose, je voudrais conclure dessus, oui. Si vous me le permettez. Complètement. Ah, je sais pas, ça. Je voulais dire, donc, ce qu'il fallait retenir sur ce que j'ai, quoi, c'est que j'aime passionnément offrir de l'émotion. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu et ressenti, mais c'est ce que j'aime, aux oreilles et au cœur qui m'écoutent. Oh. J'ai terminé. C'est beau. C'est pour ça que tu chantes. C'est pour ça que je chante, ouais. Bah, c'est une bonne vision de la musique. Et ça fait une bonne conclusion. Et on va même encore l'écouter. Une troisième piste. C'est quel titre ? On va te laisser nous le présenter. C'est Si je m'en sors de Julie Zenati, une reprise, bien sûr. Et tout à l'heure, je suis, c'était de Nicole Rieux. Une magnifique chanson, ouais. C'est parti. Effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin. Ensemble alliés contre un drôle de destin. Je ne connais pas le plus dur. Je n'ai pas vraiment de blessure. Sans vous je n'existerai pas. Sans vous je ne me c'est qu'il n'y a rien à regretter. Quelques silences au fond de moi. Il y a des silences et c'est comme ça. Mais si je m'en sors, semble encore être normal pour être bien. Efface quelques lignes de ma main. Et si chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Et si